Une des autres dimensions que nous avons tenté d'explorer lors du Ferment Lab, en plus de la création de tous les ferments, c'est comment en fait interpréter nos ferments. Et ça peut être fait par exemple à l'aide d'un microscope. Et la façon la plus simple en fait de reproduire la technique du microscope, c'est d'acheter un kit laser de base. Et ensuite, à l'aide d'une seringue, d'extraire d'un des ferments un petit peu de liquide et de faire passer le faisceau du laser à travers la goutte afin d'observer quelles sortes de créatures y vivent.